génération baisse. V'là un texte sans stress, me fresh pour dire God bless. À ceux qui ont cru en moi, vu en moi, ce qui était en moi. Encore une fois, mais cette fois, avec et moi, la part de moi. Peace à toi, pis à toi, c'est comme ça. J'ai même mis ceux qui m'aiment, leur dis je t'aime comme à ma blonde qui est pas blonde. Qui m'aime quand j'étais la honte des médias, seul en pyjama, pauvre comme un rat. Était là pour moi, me baisait, me caressait, me disait tout très troqué, j'étais faite pour la TV. Merci babe, pour avoir été là pour moi, quand personne croyait en moi. Pis pour m'avoir baisé bien comme ça, j'aime ça. Si t'es cool avec moi, je suis cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je suis con avec toi. Si t'es cool avec moi, je suis cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serais con avec toi. Et puis c'est mon crew que malgré que je sois fou et rester tout, on reste cool. Down, true, true. Malgré que j'ai déménagé toute ma vie, mes homies sont mes homies pour la vie. Que ce soit à Los Angeles, London, Montréal, New York ou Paris, ils savent que je les aime comme la vie. Oui, j'ai resté dans plusieurs pays différents. Quoi? C'est surprenant que métis, violent, délinquant, ait fait le tour du monde pis qu'il fasse d'argent. Ben c'est le cas, quand c'est Adam No P, c'est ça. Un jeune gars qui fait son argent pis qui connaît des gens dans une gang de pays différents. Mais pourtant, sans rien regretter, j'aurais aimé toujours avoir habité la même cité. Anyway, pis aux filles qui veulent me parler, oubliez pas. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai con avec toi. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai con avec toi. L'Algérie est dans la place, check ton dos et ta face. Paris est dans la place, check ton dos et ta face. Le Maroc est dans la place, check ton dos et ta face. L'Haïti est dans la place, check ton dos et ta face. Trinidad est dans la place, check ton dos et ta face. Longueuil est dans la place, check ton dos et ta face. Si tu veux me parler, parle-moi. Approche-moi, je suis pas un roi, je suis moi François. Un petit gars qui parle un peu arabe, russe, patois, créole, chinois, espagnol, anglais, verlan, français, pis québécois. Pis qui respecte qui que ce soit, quoi que ce soit. Fait que si tu me vois, dis-moi ton nom, donne-moi la main. Fais pas le crétin, moi te respecter, mais yo, teste pas. J'ai de l'orgueil, moi te blaster. Clic, clic. Là, en public ou au métro Longueuil. Seul ou avec ma clique. Porque la vida no es un teatro donde es mi vida loca pour tout le temps. Anyway, peace pis oublie pas. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai con avec toi. Si t'es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, je serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, je serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, je serai con avec toi. D'accord, c'est le temps qu'on prend les snaps 4-7, tabarnak, c'est fini. Check un petit idée de Montréal, on va se laisser là-dessus. On va vous laisser une chanson qui s'appelle Christian B sur 101.5 FM, la radio qu'on aime. Écoute bien ça, mon gars. Ça, c'est direct, ouais, c'est back sur l'île Montréal, t'as vraiment entendu ça avant. Elle vient d'écouter la site de la bataille, parce que le monde y pêche, pour mettre les rêves de Kira de la commesse, puis ils vont qu'elle la pêche au mort. Moi, t'as joué, mon petit gars, t'as vraiment entendu ça avant. Radio de Nova, 101.5 FM, ou que t'as aussi vrai, quand je cite Christian B, KCLMNOP. Orgon, ça va-tu nous voir? Ya, ya!